Activité 4. Salut, c'est Elsa. Est-ce que tu veux venir jouer au tennis avec moi demain matin? Amir et Fatima vont venir aussi. Ils m'ont proposé de faire un pique-nique dans le parc après le sport pour manger ensemble. C'est une bonne idée, non? Nicole va faire une salade. Amir propose de ramener des fruits. Et moi, je pense faire une tarte. Si tu viens, tu peux peut-être apporter des boissons. Rappelle-moi avant 17h, parce qu'après, je vais aller faire les courses. À plus !